gens comme ci, gens comme ça. La ligue, des gens clémens extraordinaires. Philemon, Alex, M. Frey, est-ce que t'as ton portable sur toi là? Eh mec, on dit quoi? Depuis le début, tu tournes autour de moi. Tu défiles sous mes yeux et fais mine de ne pas me voir. De ce côté hanché, bandel, quel déhanché, j'ai mal à la tête. Alors en dansant, tout doucement, je me rapproche de toi. Et te dirige dans mon sens. Maintenant je te demande ton phone et tu me tentes. Je suis tellement content. Oui c'est vrai, je veux bien comprendre que tu t'inquiètes de mon compte en banque. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tant d'une idée pour t'appeler de temps en temps. Vas-y, vas-y, donne. Même si tu n'as pas le fixe, j'ai déjà commencé. Dis-moi pourquoi t'hésites. Si ce soir la boîte est trop pleine et que tous ces regards te posent un problème, j'éviterai le piano, t'es devant tout le monde. Sinon j'ai de quoi douter. Les coins avec ta guitare. Soca, soca, soca, soca, cho cho cho, soca, soca.